prendrez la place que vous voulez bien me laisser, sans plus ni moins. Juste rester face à face, car petit à petit, chaque jour je disparais. Bientôt plus rien de moi, juste un souvenir, le temps d'être effacé par l'oubli. Me laisser mon imaginaire, juste l'instant d'en rêver, car nuit après nuit, chaque matin je me réveille. Il ne me restera plus qu'un songe, un mirage, le temps d'être dissipé par l'ennui. Je prendrai la place, juste ma petite place, pour pas empiéter sur l'espace, sans faire la grimace, je m'efface. Sans menace ni angoisse, comme un tour de passe-passe. Je prendrai la place sans plus ni moins, juste rester face à face, car petit à petit, chaque jour je disparais, petit à petit, chaque jour je disparais, petit à petit, je disparais. Je disparais petit à petit. Je disparais petit à petit. Je disparais petit à petit. Je disparais. Je disparais.